C'est Jules. Un 3 sec. On n'est pas de la même école. Ici, c'est Génération Bad Boy. Chez nous, ça blague pas. Quand on brouille, ça me gâte. Si on sait que c'est ta sœur, t'inquiète, on la regarde pas. Ça bandit sous Fiesta. Voler sans permis. Quand y'a rien à faire, les jours passés au quartier s'éternisent. Nos plans folles, on aime bien les faire en zoom zoom. Quand y'a les Schmitt derrière nous, on a le cœur qui fait boum boum. Violent comme une agression, à tort ou à raison. Tu te poses au feu rouge, tu sors nulle part, tu lui mets la pression. Demande à Asdine, sors pas en d'une adine. T'inquiète, y'a tout ce qu'il faut, on s'en fout que t'es machine. 3-5, c'est marginal. Les petits, ils veulent la finale, ils veulent tout baiser. Ils s'en foutent de ton problème vaginal. Vas-y, mets-toi bien, écoute du doule quand tu pars au Dallas. Tiens bien, ça passe crème quand tu le mets pour faire ta caillasse. La BDZ, faut la caillasse. Devant eux, faut faire le canard. Ils font les marques, t'inquiète, dès qu'ils partent, on les canarde. Y'en a qui se la pètent parce qu'ils ont purgé leur peine. Mais à ce qui paraît, dedans, ça sortait pas, ça faisait de la peine. Génération on place, pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous pèse, on a pas le profil du contact. Ça parle de voler de barrette, ça fait toucher la barrette. Ton rap, on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête. Génération on place, pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous pèse, on a pas le profil du contact. Ça parle de voler de barrette, ça fait toucher la barrette. Ton rap, on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête. Avec leur loi, nous on triche. T'as reconnu, c'est du lofish. Ghetto phénomène, ça reste en tigetard. T'inquiète pas, j'oublie pas les frères au mitard. Pour te montrer que je suis là, je peux même te faire crier la guitare. T'esquive pas, quand tu vois que ça va partir. Ils font leur tête, ils perdent après, ramènent tout leur quartier. Ils parlent, mais un peu pour rien à mon goût. Si j'ai pas, c'est pas grave, c'est chacun son tour. Ils veulent faire comme à la télé, les alpacs, les épées. Ils font les mecs bien, ils sont endettés. Charbonnés, ils se font péter. Ça va de DC en DC. Ici y'a pas de Honda, de Hola, de EC. Casque roof, visière fumée. On n'est pas au ciné, tu peux te faire fumer. Y'a quoi halluciner. Tous, tous le doigt en l'air contre l'État. Pour péter les Schmitt font des temples en guettage. Ici les petits mènent une ville à mon. Imagine Tony Montana avec Janis dans la montagne. Génération on place, pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous pèse, on a pas le profil du contact. Ça parle de folie de barrette, ça fait toucher la barrette. Ton rap on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête. Génération on place, pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous pèse, on a pas le profil du contact. Ça parle de folie de barrette, ça fait toucher la barrette. Ton rap on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête. Avec ce qui se passe, on sait plus quoi faire, tu pètes un 50, tu capes, tu t'en fous de tomber par terre. J'ai dans tous tes états, tu te mets avant du Z là. On te parle, t'écoutes même pas, tu fais semblant d'être là. Tu fais tes bails, tu penses même plus à ta maman. Le jour où elle est plus là, tu vas tomber, tu vas te faire ma mal. C'est qu'on masse, on baise et on se casse. Tu connais déjà le slogan, c'est du rap anti connasse. On trace, qu'est-ce pas, c'est le GP qui se lève. On est en plein cauchemar, pour ça qu'on veut la vie de rêve. Le rap, je le maîtrise, les pneus crisent. Qui tu prends de la graine, n'oublie pas que j'ai mon fils. On se déguise pas. Qui disent pas que je représente pas, c'est les frères et sisters. Je le maîtrise, les pneus crisent. Qui tu prends de la graine, n'oublie pas que j'ai mon fils. On se déguise pas, qui disent pas que je représente pas, c'est les frères et sisters. Génération on place, laisse pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous perce, on a pas le profil du contact. Ça parle de folie de barrette, ça fait toucher la bavette. Ton rap on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête. Génération on place, laisse pas les clés sur le contact. C'est la rue qui nous perce, on a pas le profil du contact. Ça parle de folie de barrette, ça fait toucher la bavette. Yeah. Ton rap on en a marre, maintenant faut que ça s'arrête.